الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام. Durant le dernier cours, on avait expliqué quel hadith? Hadith de Hadith Abdullah ibn Abbas. نعم. Qui nous le récite? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عدي بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. البخاري ومسلم. نعم، بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 67 بعد 100. شلوتر رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي سيت الحديث 167 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة رواه البخاري ومسلم. سنة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas en dessous de 5 awaq de sadaqa, il n'y a pas en dessous de 5 zaoud de sadaqa, et il n'y a pas en dessous de 5 awsuq sadaqa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. قال الشيخ البسام رحمه الله الغريب أواق مفردها أوقية والأوقية تعادل 40 درهما ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة إن شاء الله تعالى. Les termes étrange qui mérite éclaircissement dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas en dessous de 5 awaq de sadaqa. Ce qu'il faut comprendre par le mot sadaqa cité à 3 reprises dans ce hadith, c'est bien sûr la zakat. Et al-awaq sont singuliers et awqiyah. Et al-awqiyatu est équivalent à 40 dirhams. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que en dessous de 5 awaq, il n'y a pas de sadaqa, c'est-à-dire de zakat. Al-awqiya, c'est 40 dirhams. Donc, celui qui a en dessous de 5 fois 40. Donc, 200 dirhams. ثانيا زود الزود ليس له مفرد من لفظه ويطلق على 3 من الإبل إلى 10. الزود n'a pas de singulier en arabe. Et le mot زود est utilisé pour parler de 3 chameaux à 10. Lorsque l'on parle d'un nombre de chameaux entre 3 et 10, on parle de Zaoud. Donc, un chameau, on ne peut pas l'appeler Zaoud. 2 chameaux, on ne l'appelle pas Zaoud, entre 3 et 10. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa fi ma duna 5 zaoudin sadaqah ». Thalithan, awsuq. والوسق بفتح الواو على المشهور، وأصله في اللغة الحمل، والمراد به هنا 60 صاعا بالصاع النبوي، ويأتي تحديد النصاب في مكيالنا الحاضر. الأوسق dont le singulier est الوسق avec le fat, avec la fatha sur le waw. Mais le cheikh dit que la fatha sur le waw est ce qu'il y a de plus connu. Mais la kasra est aussi autorisée. Donc on peut dire al-wasqu ou bien al-wisqu. Qui veut dire à la base en langue arabe le fait de porter. Et ce qui est voulu dans ce hadith, c'est 60 sa'a avec le sa'a prophétique. Et l'on expliquera cela par les mesures actuelles. Donc le cheikh dit qu'il expliquera cela par les mesures actuelles, c'est-à-dire à combien est-ce que le sa' al-nabawi correspond en termes de mesure à notre époque. Rabi'an duna aqal wa qad bayyanatha riwayat Muslim laysa fi habbin wa la tamrin sadaqatun hatta tablugha khamsata awsuq. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit duna ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. دون ici c'est-à-dire en dessous. Et vient expliquer cela la version de l'imam Muslim qu'il n'y a pas dans les grains et les dates de zakat de sadaqa jusqu'à ce qu'elles atteignent les cinq أوسق. Les cinq awsuq. المعنى الإجمالي: الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يعد به غنيا، فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء. فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أواق، وكل أوقية 40 درهما، فيكون نصابه منها 200 درهم. وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده 5 ذوذ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة. وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه حتى يكون ما عنده 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون نصابه 300 صاع. Le sens général de ce hadith: la zakat est un partage, une compensation entre les riches et les pauvres. Pour cela, que la zakat ne peut être prise de celui qui n'a pas beaucoup de biens, dont les biens sont peu, et celui qui n'est pas considéré comme étant riche. Et l'islam est venu nous enseigner la limite, le seuil le plus bas pour celui qui verra sa zakat obligatoire. Quant à celui qui n'a pas en sa possession ou a en sa possession des biens en dessous de la limite, eh bien, il est considéré comme un nécessiteux et l'on ne prend rien de lui. Celui qui possède de l'argent, parce que l'on parle d'argent ici, on parle de métal, la zakat ne sera obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il possède 5 awaq. Et chaque awqiyah équivaut à 40 dirhams. Ainsi, son seuil minimum sera de posséder 200 dirhams. Et le dirham était une monnaie, comme les monnaies que l'on a actuellement, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette monnaie était faite d'argent. Il y avait l'autre monnaie également qui était présente au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dinar. Le dinar qui est une monnaie faite d'or. C'était des pièces d'or. Et les savants ont estimé le poids du dirham et du dinar au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dirham, c'est-à-dire la monnaie d'argent, une pièce pesait à peu près 2,97 grammes. 2,97 grammes. Et si l'on fait 2,97 fois 200, ça nous donne combien en poids ? Plus précisément. 595. C'est un peu plus. Certains savants ont même dit c'est 2,976 grammes. Et en multipliant par 200, on obtient les 595 grammes qui sont le nisab de l'argent. Et ça, on l'a déjà vu dans les cours de l'Ouagis. Quant au dinar, qui est la pièce d'argent, elle pesait à peu près, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4,25 grammes. Et l'on verra par la suite que le nisab de l'or, c'est 20 dirhams. Et si l'on fait 20 fois 4,25, ça nous donne... Boubacar 85 grammes. Donc le nisab de l'or. Et celui qui possède, le cher dit, et celui qui possède des chameaux, des chamelles, la zakat ne sera pour lui obligatoire que lorsqu'il aura 5 zaoud et au-dessus. Et en dessous de cela, il n'a pas de zakat. Wa sahibul hubub est celui qui, l'agriculteur, le cultivateur, qui a en sa possession des grains et des fruits, eh bien, la zakat ne sera obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il ait en sa possession l'équivalent de 5 awsuq. Et le wasq ou le wisq équivaut à 60 sa'a. Ainsi, le nisab pour les grains et les fruits est de 300 sa'a. Ma yu'khadhu min al-hadith. اولا وجوب الزكاه على من عنده الانصبه المذكوره او شيء منها وتحديد الانصبه مواساه بين الاغنياء والفقراء. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, c'est l'obligation de la zakat pour celui qui détient l'un des seuils précédemment cités. Et le fait de préciser ces seuils permet la compensation et le partage et la donation des riches vers les pauvres. Et de séparer entre ceux qui doivent donner la zakat et ceux qui la perçoivent. ثانيا عدم وجوبها على من قصر ماله عن هذه التحديدات وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت الأرض والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير. Deuxièmement, le retien de ce hadith qui n'est pas obligatoire de sortir la zakat pour celui qui n'a pas en sa possession ou pour celui qui a en sa possession des biens en dessous des seuils cités. Al-Imam ibn Munzir rahimahullah cite l'unanimité des savants sur le fait que la zakat n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas en sa possession 5 awsuq de ce qui sort de la terre. Et Al-Imam Malik يسامح بالنقص اليسير. الإمام مالك considère que si cela est en deçà de quelque chose de minime, eh bien que la zakat peut être obligatoire. Car les Arabes prennent en compte les petits écarts. Lorsqu'un Arabe dit « un tel a 100 chameaux », il est possible que cette personne en ait 98, 99. D'accord ? Parfois, dans la langue des Arabes, dans la langue arabe, où les Arabes, lorsqu'ils citaient un chiffre, ils ne voulaient pas forcément dire ce chiffre tout rond. Ils se donnaient cette marge minime. Thalithan, إذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها ربع عشرها وإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه والعشر شاتان والخمسة عشر ثلاث شياه والعشرون أربع شياه. Troisièmement, lorsque l'argent atteint 200 dirhams, alors la zakat et le quart du dixième. Le quart du dixième. On l'a vu à plusieurs reprises, ce sont les fameux 2,5%. Et pour ceux qui ont des problèmes avec le pourcentage, cela revient à diviser la somme par 40. Par 40. Et lorsque les chameaux, lorsque la personne a en sa possession 5 chamelles, alors il doit donner en zakat une brebis. S'il en a 10, il devra en donner deux brebis. S'il a 15 chamelles, il devra donner 3 brebis. Et s'il a 20 chamelles, il devra donner 4 brebis. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الْإِبِلِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقْسٌ لَيْسَ فِيهِ زَكَاهٌ ثُمَّ تُؤْخَذُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ كما فصل في حديث أنس وإذا بلغت الحبوب أو الثمار خمسة أوسق وهي 300 صاع بالصاع النبوي فإن كانت تسقى بكلفة كالسواني والمكائن ففيها نصف العشر وإن كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض ومثله الإرتوازي الذي يفيض ماؤه على وجه الأرض ففيها العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر أخرجه مسلم من حديث جابر. Et lorsque les chamelles atteignent le nombre de 25, alors il devra donner en zakat bintu makhad parmi les chamelles. Et bintu al-makhad, on l'a vu dans les cours de l'Ouajiz, al-makhad qui est l'accouchement. Et bintu al-makhad, al-makhad qui sont les douleurs qui précèdent l'accouchement. Ainsi, bintu al-makhad, c'est une chamelle dont la mère s'apprête à mettre bas. Bintu al-makhad, c'est la chamelle dont la mère souffre des douleurs qui précèdent l'accouchement. Le fait qu'elle mette bas. Et entre eux, il n'y a pas de zakat. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقْسٌ لَيْسَ فِيهِ زَكَاهٌ. On a dit que lorsqu'on atteint 5, c'est lorsque la personne possède 5 chamelles, il donne en zakat une brebis. Lorsqu'il en a 10, il donne 2 brebis. Lorsqu'il en a 7, c'est une brebis. C'est ce que Cheikh a voulu dire par وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقْسُونَ. Lorsque tu en as 7, tu ne vas pas dire que je vais donner une brebis et demi, par exemple. Non, tu en donnes une, jusqu'à atteindre 10. Et entre 10 et 15, tu en donnes 2. Et entre 15 et 20, tu en donnes entre 15 et 20, tu en donnes 3. Non. Taïb. Concernant les grains Et naam. Ensuite, le cheikh dit, ثُمَّ تُؤْخَدُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِي كَمَا فُصِّلَ فِي حَدِيثِ أَنَاسِ. Puis, au-dessus des 25, c'est là où l'on prend, l'on donne en zakat ce qui a été expliqué dans le hadith de Anas. Le hadith de Anas, dont le cheikh ici fait référence, est le hadith que l'on a expliqué dans les détails durant les cours de l'Ouajiz. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans lequel Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, écrit à Anas ibn Malik, radiallahu an, lorsqu'il l'a envoyé comme émissaire et comme gouverneur dans Al-Bahrain. Il lui a écrit un livre dans lequel il lui détaille de façon très précise la zakat des animaux et autres. Donc celui qui veut reprendre les détails de cela, qu'il retourne au cours de l'Ouaji sur la zakat des chameaux. Et lorsque les grains et les fruits atteignent 5 awsuq, à savoir 60 sa', car un wisq ou un wasq, c'est 60 sa'. Et 5 awsuq, c'est 300 sa'. Bissa' al-nabawi, en prenant en compte le sa' prophétique. Le sa' prophétique, on a vu également dans les cours précédents que c'est une chose qui existe à nos jours. Et le sa', c'est l'équivalent de 4 amdad. 4 amdad. Bil-mud al-nabawi. Et le mud al-nabawi, la quantité du mud al-nabawi est connue jusqu'à notre époque avec la chaîne de transmission. Avec la chaîne de transmission. Lorsque la personne a en sa possession l'équivalent de 60 sa', de 300 sa' de grains ou de fruits, alors il y a deux cas de figure. Soit ces grains et ces fruits ont été arrosés en produisant, en demandant du travail. C'est-à-dire cela demandait des efforts. Comme le fait d'arroser un champ en utilisant as-sawani. As-sawani qui est le pluriel de saniyah. Et as-saniyah, c'est le nom qui est donné à un animal, ça peut être un chameau ou autre, sur lequel qui porte de l'eau dans le but d'arroser un champ. Donc cela demande du travail. Également, à notre époque, d'arroser les champs à travers, en utilisant des machines ou autres. Donc ceci demande des efforts et demande un travail de la part de l'agriculteur. Si c'est ce minimum de 300 sa' a été obtenu en faisant des efforts et en utilisant des moyens pour arroser, alors la zakat sera de la moitié du dixième. Nisful ushur. Et la moitié du dixième, c'est combien? C'est un vingtième. Donc on divise par 20. On divise par 20 la quantité que l'on a. Wa in kana tusqa bila kulfa. Si ces terres sont arrosées sans effort, comme arrosées par des fleuves, des sources qui coulent à la surface de la terre, et à le même jugement que cela, Al-Urtuwazi, qui est le puits artésien. Qui sait ce que c'est le puits artésien? Il y a deux sortes de puits. Il y a le puits standard, dont l'eau reste en profondeur. Il faut descendre le récipient pour récupérer l'eau. Le puits artésien, non. L'eau jaillit du puits. Et quand l'eau jaillit du puits, Afwan, eh bien, elle sort à la surface de la terre, et en général, c'est la source d'un ruisseau ou autre. Dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas eu d'effort de la personne pour arroser, eh bien, la zakat est du dixième, al-ushur. Et la preuve est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fima saqat al-sama al-ushur. Ce qui a été arrosé par le ciel, alors le dixième. Wa fima suqiya bis-saniyati nisfu al-ushur. Et ce qui a été arrosé à travers ou par as-saniya, donc on a dit as-saniya, c'est l'animal sur lequel qui porte l'eau afin de d'arroser une culture. Wa fima suqiya bis-saniya, et ce qui a été arrosé par as-saniya, la moitié du dixième. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. رابعا لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة. وأخرج أبو داود عن علي مرفوعا ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. قال ابن حجر وهو حسن. وقال ابن عبد البر الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. Quatrièmement, dans le hadith, l'or n'est pas cité, car la monnaie la plus courante était l'argent. Et l'imam Abu Daoud rapporte le hadith de Ali ibn Abi Talib, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa laka shay » Tu n'as rien à donner, c'est-à-dire de zakat, jusqu'à ce que tu possèdes 20 dinars. Jusqu'à posséder 20 dinars. Et on a dit que le dinar était la monnaie d'or dont le poids estimatif d'un dinar était de 4,25 grammes. Al-Imam Ibn Hajar a dit que c'est un hadith jugé bon, et Al-Imam Ibn Abdul Bar cite l'unanimité des savants sur le fait que le nisab, le seuil minimum pour sortir la zakat pour celui qui possède de l'or, et de 20 mithqala. Ici, al-mithqal, c'est le dinar. Certains l'appellent al-mithqal, d'autres, comme cela est cité dans le hadith, l'appellent al-dinar. Avec Al-Hal, les savants ont divergé sur l'estimation du nisab de l'or. Certains savants ont dit que le nisab était 85 grammes, et d'autres, parmi eux, Cheikh Ibn Ubaiz, rahimahullah, dit que c'est plutôt 92 grammes. Mais à la Kulihal, celui qui considère les 85 aura pris ses précautions. خامساً الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر عند العين الأئمة مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضروات، والقول الأول أرجح، لأن ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة. ولما روى الدارقطني مرفوعا لا زكاة في الخضروات، وهو حديث ضعيف إلا أن له ما يعضده. Cinquièmement, la zakat est obligatoire pour celui qui possède des grains et des fruits qui se mesurent et qui peuvent se conserver. Ceci est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. Quant à l'imam Abu Hanifa, il rend obligatoire la zakat même sur les légumes. Et le premier avis est le plus juste. Car ce qui se mesure et ce qui se conserve sont les biens qui... pour lesquels le bienfait a été complété. C'est-à-dire tu as des choses qui se mesurent et qui se conservent. Et l'imam Abu Hanifa cite un hadith rapporté par l'imam Ad-Daraqutni, un point de zakat, afwan, وهو الذي كملت فيه النعمة. Et le cheikh, pour appuyer le fait que le premier avis est le plus juste, cite un hadith rapporté par l'imam Daraqutni jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit point de zakat dans les légumes. Mais c'est un hadith faible et le cheikh dit mais il a d'autres chemins qui viennent le renforcer. Ainsi l'avis le plus juste des savants est qu'il n'y a pas de zakat dans les légumes mais uniquement dans les grains et les fruits qui se pèsent, qui se mesurent à fouane, qui se mesurent et qui se conservent. بيان مقدار زكاة النقدين في عملتنا الحاضرة. L'explication du montant ou de l'équivalent de la zakat de l'argent, c'est-à-dire naqdain, de l'or et de l'argent, l'équivalent avec notre monnaie actuelle, avec nos monnaies actuelles. نصاب الذهب 20 مثقالا إسلاميا والمثقال وثلث المثقال بوزن جنيه إنجليزي أو جنيه سعودي فيكون نصاب الذهب فيهما 12 جنيها سعوديا أو إنجليزيا لأن وزنهما واحد ونصاب الفضة 100 درهم وبالريال الفرنسي 22 ريالا وبالريال العربي السعودي 55 ريالا. Le nisab de l'argent, de l'or est de 20 mithqal, de 20 mithqal islamiques. Et on a dit que le mithqal, c'est également le dinar. Et al mithqal est les deux tiers du mithqal. Donc un mithqal, un dinar, plus les deux tiers d'un dinar, ont le poids d'une livre anglaise ou d'une livre saoudienne. Ainsi, le nisab de l'or équivaut à 12 livres saoudiennes ou anglaises, car leur poids est identique. Il faut sortir des calculatrices pour comprendre. المثقال وثلث المثقال. Donc un dinar plus les deux tiers d'un dinar. Ça fait combien de dinars? Non? 7 tiers, ça fait combien? 5 tiers, ça fait combien? 1 virgule? 1 tiers, ça fait combien? 1 tiers, ça fait 0,33. 2 tiers, ça fait 0,66. Donc ça, c'est les deux tiers d'un dinar. Tu rajoutes un dinar, donc ça fait 1,66. 1,66 dinars équivaut à une livre anglaise ou saoudienne. Donc, 20 dinars correspond à combien de livres anglaises ou saoudiennes? 1,12 divisé par 20 divisé par 1,66. Ça fait combien? Non, donc ça fait à peu près 12 livres saoudiennes ou anglaises, car le poids de ces deux livres est identique. Concernant le nisab de l'argent, c'est 200 dirhams. Et par rapport au rial français, cela correspond à 22 rials. Et par rapport au rial arabe saoudien, c'est 55 rials. La haqiqa, les monnaies qu'a cité le cheikh rahimahullah ta'ala sont des monnaies qui sont quasi inexistantes à notre époque. En tout cas, les gens ne l'utilise pas. La preuve, c'est que si je vous dis à combien correspond 12 livres saoudiennes, je suis persuadé que personne ne sera en mesure de me répondre. Donc le mieux est d'estimer cela en grammes. Et les savants ont estimé cela en grammes. Le nisab de l'or, on a dit que c'était 85 grammes. Et le nisab de l'argent, 595. Maintenant, comment trouver, pour ceux qui ont des euros, la plupart ont des euros en leur possession, comment connaître le nisab des euros? C'est une question qui m'a beaucoup travaillé, car il y a les deux monnaies. Il y a l'or et l'argent. Si l'on regarde le cours de l'argent actuel, 1 gramme d'argent équivaut à 82 centimes d'euros. Si on multiplie par 595, ça nous donne un nisab approximatif de 487-488 euros. Le gramme d'or, il est à l'heure actuelle de 42,15 €. Si on multiplie par 85, ça nous donne à peu près 3583 euros. Vous avez vu la différence entre les deux nisab. Et j'ai posé la question à une multitude de mashayikhs et tous m'ont répondu que entre ces deux nisab, c'est celui qui est le plus en faveur du pauvre qui doit être pris en compte. Ainsi, le nisab qui doit être pris en compte, c'est le nisab de l'argent, à savoir 483 euros à peu près au jour où je vous parle, à savoir le 23 décembre 2012. Pourquoi ? Car si le nisab est placé à 3583 euros, beaucoup de personnes n'entrent pas dans ce critère. Et ainsi, beaucoup de pauvres ne pourront pas bénéficier de la zakat. Or, si on considère le nisab comme étant de 487 et quelques. À la kulli hal, 487 à peu près, ou 488 euros, eh bien, cela est plus à l'avantage du pauvre. Et pour celui qui a donc le nisab, où la zakat doit être sortie pour celui qui a en sa possession au minimum le nisab pendant une année égyrienne révolue, c'est-à-dire pendant une année entière. Il a toujours eu au minimum cette somme en sa possession. Et celui donc, on va dire qui a ce strict minimum de 488 euros, si on divise par 40, il devra donner combien de zakat? 12,20 euros. Est-ce qu'une personne qui touche 480 euros à peu près a la possibilité dans l'année de sortir 12 euros? Oui ou non? Inch'Allah, s'il fait l'effort, oui, il a la possibilité de donner à la kulli hal. C'est ce seuil-là qu'il faut prendre en compte. Naam, le cours de l'argent. Naam. C'est-à-dire qu'il faut qu'il garde cette somme-là pendant un an. Tu comptes, ça fait 12 mois. 12 mois. Non. C'est au niveau des jours que ça diffère. Il y a à peu près 360 jours dans une année lunaire et 365 dans une année solaire, sans compter les années bissextiles. Naam. ثم قال رحمه الله بيان مقدار الزكاة مقدار زكاة الحبوب والثمار في مكيالنا الحاضر. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق والوسق 60 صاعا نبويا فيكون الصاع بالصاع فيكون النصاب بالصاع النبوي 300 صاع والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي 55 الخمس فيكون مقدار نصاب الزكاة زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية 200 صاع وثمانية وعشرين صاعا ومثله الكيلة والله أعلم. Donc ici le cheikh explique en termes de mesure à quoi correspond la mesure du sa' prophétique par rapport aux mesures qui sont connues à notre époque. Il dit, rahimahullah, que le nisab des grains et des fruits est de 5 aousouq et le wisq ou le wasq est de 60 sa' prophétiques. Le nisab est donc de 300 sa' prophétiques. Et le sa' prophétique est un peu en deçà de Al-Kayl al-Hijaziyah, de la mesure que le cheikh appelle Hijaziyah du Hijaz, et du Sa' al-Najdi, du Sa' al-Najdi. Ainsi, l'équivalence du Nisab, de la zakat des grains et des fruits, et des fruits na'am, par le Sa' al-Najdi et par la mesure Hijaziyah est de 228 sa' à peu près. Wallahu a'lam. Ces mesures également ne sont pas très répandues. Ainsi, les savants ont estimé également le sa' et le mud en grammes. Et ça, on avait fait cet exercice durant les cours de l'Ouajiz. On avait dit que un sa' c'est à peu près combien? 4. C'est 4 poignées de main. Et on avait estimé ça à peu près 2 kilos. Non, c'était moins. C'était 2 kilos 420 grammes, le sa'. Et ainsi, 300 sa', ça fait combien de kilos, approximativement? Si on fait 600 fois 2,42. Trois cents, c'est le nisab, multiplié par l'équivalent en poids d'un sa' qui est de 2,42 kilos. 726, c'était le chiffre approximatif qu'on avait estimé à l'époque. 726 kilos, donc celui qui a 726 kilos de grains ou de fruits, des grains et des fruits qui se mesurent et qui se conservent, celui donc qui a 726 kilos de blé et qui les a en sa possession pendant une année révolue devra donner combien en zakat? 1/10 si le champ a été arrosé par la pluie ou par un ruisseau ou un fleuve, et il devra donner 1/20 si c'est lui-même qui s'est chargé d'arroser son champ et sa culture. Est-ce que c'est clair ou pas? On اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.